Rendez-vous prise. Et rendez-vous à ne pas manquer. Le 29 juillet à l'Olympia. Si je les anano molai, Ngomba mon côté et jaline, ceux qui ont mati ont moni l'avenir. Mama Bana. Bon, ça tanga boko. Aussi kakate, hein. Banda kama na ngombo kama kote na bomengo mwana poye babi mimino akomeka koswa libela mama jamais akoswa monsapi na ye rosa toti ka koswa mimite mama bomengo bazi la bazu ateo ezala ka jamais na rendez-vous. Moto abolingo na kombo na yo evanda kakacha motema nanga kasi jamais ekozikisa un jour kombo na yo Maria Rosa na yembi lisusu bibi tokende libalama malembe malembe mama. Nandi mi mabenanga Tosi mi bakwakwa Tokitisa mitema Omengwa nyaso wana Tosi mi bakwakwa Tokitisa mitema Omengwa nyaso wana Vule panza kase bafetio Kasi wenze temu karame Ataba fingi toko tata wenze Tuvanda tana bentom peri Mula moke koko liselanga ya makasi keba Maria Rosa eko boma ndunda na biso bana baba tele biso bakoko bangone kalakala na biso Rosa kala bango okomona ilongi ya bolingo na biso bana baba tele biso bakoko Chili koko na roi, abata chilo na sona, mama mama mama. Kadia mama eh, ambrango doyi a mama nyondo. Sokio. Sokio tende la muna ngai koma, neti fa.